Selon Yonhap News de Corée du Sud, les bellicistes américains et sud-coréens prévoient de livrer du 13 au 26 courant les exercices de tir conjoints d'envergure dans les champs d'exercice de Procheon, province du Gyeonggi, dans le cadre des manœuvres militaires conjoints Aigle. Ils seront mobilisés les tanks, blindés, lance-roquettes, hélicoptères, avions de combat et autres équipements militaires dernier cri des forces américaines et sud-coréennes.